Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquin, assisté de Catherine. Cette émission est diffusée en direct le lundi 25 juillet 2011, de 18h à 21h, en différé le mardi 26 juillet dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Jean-Édouard. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Merci Catherine, merci Jean-Édouard. Je dis bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie qui nous écoutent en direct en ce lundi 25 juillet de l'an de grâce 2011. Semaine C, c'est comme Catherine, des cycles des émissions de Radio Courtoisie. Nous allons consacrer cette seconde partie de notre libre journal au rendez-vous politique de la réinformation, qui est un rendez-vous politique habituel toutes les quatre semaines. Normalement, je le fais en semaine D, donc il devait avoir lieu la semaine prochaine, 1er août, mais, comme je serai le 1er août en Bretagne, eh bien, ce sera Dominique Paoli qui me fera le plaisir de faire la seconde partie. Et dans ces conditions, j'ai préféré faire aujourd'hui le rendez-vous politique de la réinformation avec une semaine d'avance. Mais dans un premier temps, nous allons entendre la chronique du grand large de notre ami Patrick Simon. À l'occasion du scandale des écoutes téléphoniques et des espionnages de la presse Murdoch, nous avons appris diverses choses qui soulignent de sérieuses différences avec la presse française et que je m'en vais récapituler car on ne s'en est peut-être pas bien rendu compte. Il y a quatre différences. Premièrement, cette presse de droite couvre 40% des journaux anglais. Cela va du Daily Telegraph, une sorte d'équivalent conservateur du Monde, au Daily Express, un mélange du Parisien et de Minute, en passant par le Times, grand journal de qualité, le Sun, plus populaire comme François, le Daily Mail, le Daily Mirror, et la presse dite de caniveau, Evening Standard, Evening News, etc. 40%, au moins, c'est une proportion bien plus élevée que même celle du groupe Hersan au temps de sa plus grande puissance. Deuxièmement, cette presse est lue par des millions de personnes. J'entendais que rien qu'une publication du soir, dont j'ai oublié le nom, était achetée chaque jour par 2 millions d'Anglais. Et ce, malgré la concurrence des gratuits. Pour ceux d'entre vous qui ont pris le métro à Londres, moi, ça m'arrive de temps en temps. Sans doute avez-vous été frappé par tous ces gens assis l'un à côté de l'autre en train de lire le journal. Eh bien, on ne voit pas un pareil spectacle en France. Alors, je vais oser une explication. C'est la variété de l'offre et l'absence d'uniformisme. En France, mis à part quelques exceptions, les journaux disent tous la même chose et sont très politiquement corrects. Le lecteur s'y ennuie, d'une part, et d'autre part, n'y trouve pas ses idées. On comprend pourquoi la presse française n'a pas de succès et est en crise. Troisièmement, la presse Murdoch ne fait pas dans la dentelle. Et même si elle peut avoir des connivences avec tel ou tel homme politique, quand il y a un scandale à dénoncer, elle le fait sans état d'âme. Jamais, par exemple, elle n'aurait accepté de garder le secret pendant de nombreuses années sur la fille naturelle de François Mitterrand ou sur son cancer. Ces affaires seraient sorties très vite. Il n'y aurait jamais eu cette conspiration du silence, sous menace de contrôles fiscaux d'ailleurs, caractéristique d'un régime où le caprice du prince prévalait. Et des exemples comme ça, je pourrais donner bien d'autres illustrations de cette liberté de la presse anglaise. Et la conclusion est simple, presse libre égale presse lue. Enfin, quatrièmement, chez Murdoch, les journalistes ont les mêmes idées que lui. Ils sont de droite et sans complexe. Alors qu'en France, les rares journaux possédés par des hommes ou des intérêts de droite, comme le Figaro ou le Point, ont des journalistes qui souvent ne le sont pas. Et il n'est pas question de les remettre en cause au nom de l'indépendance des journalistes qui se prennent en somme pour les propriétaires du journal, alors qu'ils ne le sont pas. Dans les années 80, Robert Murdoch s'est heurté à une telle résistance. Des employés d'abord, organisés par les syndicats, et là il a vaincu au terme d'un combat judiciaire du même style que celui conduit dans les années 70 contre la CGT par M. Amaury, propriétaire du Parisien. Puis il s'est heurté aux rédactions. La méthode pour régler ces conflits fut simple et expéditive. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec la ligne fixée furent licenciés. Et c'est ainsi que le Sun, vieux journal populaire de tendance travailliste, dans les années 60, changea. Cela amena M. Murdoch à payer des indemnités substantielles à ceux qu'il licenciait. Il le fit sans regret. Après quoi, tout le monde se tint à carreau et le magnat n'eut plus à intervenir dans le détail. Eh bien, je crois que c'est un peu ce que Serge Dassault devrait faire au Figaro ou Edmond de Rothschild à Libération et bien d'autres d'ailleurs. Un grand nettoyage sans retenue. Voici un exemple frappant et tout frais. Il y a un mois, j'étais à Londres et je lis les titres de la presse du soir. 3 emplois sur 4 donnés aux immigrés, c'était le titre. Alors ce titre, vous l'avez compris, faisait état d'un fait vrai et exprimait une désapprobation par ces temps de crise. Eh bien, imaginez un titre de ce genre en France. Impossible. De même, la relation entre délinquance et immigration n'est pas ignorée ou occultée dans la presse Murdoch. Elle est même très présente dans un de ses journaux, le Daily Express, à partir de faits divers. Et tous ces faits sont certains, mais en France, on préfère, ou les journalistes préfèrent, les auto-censurer. Au contraire, la presse anglaise veut provoquer, choquer, dénoncer au lieu d'être conformiste. Et le résultat, c'est qu'elle a du succès. Si l'on veut des lecteurs plutôt que des subventions ou des recettes publicitaires, alors on n'a pas besoin d'être dans le conformisme, bien au contraire. C'est un peu comme la télévision italienne. En dehors des chaînes officielles de la RAI, qui sont du même style qu'Antenne 2 ou FR3, il y a l'Empire Berlusconi, qui nous montre des spectacles plus divertissants, où on voit de belles filles bien roulées en strass et paillettes. Ce n'est peut-être pas un débat d'idées d'une intense profondeur, mais c'est au moins plus plaisant à regarder que sur les chaînes d'État, le morne et fastidieux exposé de la série des plaintes, des malheurs, des détresses, bref, de tout ce qui ne va pas dans l'existence. Or, ce qui ne va pas dans l'existence humaine, c'est le fonds de commerce de la gauche. Et c'est ce qui explique pourquoi la majorité des journalistes sont de gauche, pas forcément politiquement, mais intellectuellement et culturellement. On parle des trains qui déraillent, pas des trains qui arrivent à l'heure, et c'est pourquoi ils ont et nous donnent une vision fausse de la réalité. Pas forcément par mauvaise foi, certains le sont, mais pas tous, simplement parce qu'ils ont structurellement besoin d'alimenter leur machine à vendre qui se nourrit plus de problèmes que de solutions. Alors moi je rêve d'une presse qui se concentrerait sur les gens qui auraient accompli des réussites, réalisé des exploits, surmonté des épreuves, qui se seraient surpassés comme des héros. Et encore plus difficile, des exemples de gens heureux, ayant trouvé le bonheur, ceux dont on ne parle jamais. Ça pourrait avoir du succès, Malgré l'envie et la jalousie qui affectent certains, ça pourrait leur donner un désir de joie, d'accomplissement, de positivité qui changerait leur vie. Hein, cela remplacerait la plainte permanente qu'on entend dans ce pays, cela la remplacerait par l'acceptation de ce qu'on est et de sa situation. Cela transformerait la revendication et la réclamation continuelle, comme si l'on disposait d'une créance illimitée sur la société, par la gratitude et la reconnaissance, comme si l'on était constamment débiteur de tout ce dont nous avons eu la chance d'hériter. Je m'adresse ici à ceux qui ne sont jamais contents, qui voient toujours la paille dans l'œil de l'autre et jamais la poutre dans le leur. Eh bien, un petit conseil pour être de meilleure humeur. Le matin, quand vous vous levez et que vous ouvrez la fenêtre, vous répétez cette formule en vous-même. Je remercie. Je remercie mes parents de m'avoir aimé. Je remercie mon pays d'être aussi beau. Je remercie mes parents, amis, éducateurs, professeurs de m'avoir transmis culture, idées, sentiments, intérêts. Je vous remercie tous de m'avoir donné des choses et de m'avoir donné l'envie de faire des choses. Et je vous promets aussi de donner à mon tour et de faire quelque chose d'utile de mon existence. Eh bien, vous verrez, une fois que vous aurez prononcé cette formule magique le matin en vous levant, vous vous sentirez mieux pour toute la suite de la journée. À bientôt. Eh bien, merci beaucoup, cher Patrick Simon, d'avoir renouvelé la formule immortelle du professeur et docteur Émile Coué, qui est invité à répéter tous les matins à voix haute. Tous les jours, à tout point de vue, tout va de mieux en mieux. C'était la formule de Dr Coué, qu'il fallait répéter en fait 20 fois par jour, à voix haute, matin, midi et soir. Donc j'invite les auditeurs de Radio Courtoisie à répéter. Tous les jours, à tout point de vue, tout va de mieux en mieux. Plus sérieusement, merci cher Patrick Simon de nous avoir appelé à nous souvenir de tout ce que nous devons à nos parents et à nos aïeux, au sens classique du terme. Vous auriez pu ajouter cette formule qui remonte à un certain Bernard de Chartres au XIe siècle. Nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants. Formule que beaucoup d'auteurs après lui, et notamment Pascal, ont reprise. Nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants. C'est une très bonne conciliation des principes de la tradition et du progrès. Et le professeur Vauche, par exemple, qui est un éminent scientifique, sait à combien les scientifiques d'aujourd'hui sont redevables de ceux qui sont venus avant eux et qui ont fait progresser la science depuis Euclide et Archimède. Surtout Archimède, d'ailleurs, qui était un savant immense, dont notre ami Bernard Bozzami a analysé les recherches qui sont encore aujourd'hui stimulantes pour les mathématiciens d'aujourd'hui. Alors, nous allons maintenant entrer dans notre commentaire de l'actualité politique. C'est ce que nous appelons le rendez-vous politique de la réinformation. Les auditeurs sont libres de nous adresser des questions sur des sujets que nous n'aurions pas encore pu traiter. Mais j'ai envie, sans attendre qu'ils le fassent, de me tourner vers mes invités, qui sont Laurent-Arthur Duplessis, journaliste écrivain, Christophe Beaumont, délégué à la communication du Club de l'Horloge, Emmanuel Ratier, journaliste écrivain, et puis sont restés parmi nous Nicolas Stocker, président du RPF, le Rassemblement pour la France, Christian Vauge, professeur des universités et directeur d'études du Rassemblement pour la France. Et j'ai envie de demander donc à tous ces invités de commenter les événements financiers récents. Et je vais leur dire brutalement, qu'est-ce que cela vous fait que la Grèce soit en faillite? Car elle est en faillite. Laurent Duplessis. Eh bien, ça me chagrine, si on s'en réfère à notre héritage grec si précieux, mais ça ne m'étonne pas, parce qu'en effet, la crise financière, comme je le dis souvent, arrive maintenant dans la phase de ce qu'on appelle la faillite des États, avec un léger abus de langage, puisqu'un État ne disparaît pas en tant que personne morale, contrairement à une entreprise ou bien il n'est pas saisi comme un particulier. Mais donc, les États arrivent maintenant au défaut de paiement et à la crise des obligations. La Grèce est actuellement dans la tourmente. Les Européens, c'est-à-dire notamment l'Allemagne et la France, ont cherché à s'entendre pour délivrer une seconde obole à la Grèce. Ça n'a pas fournir une seconde obole. Vous pouvez mettre une pièce dans le... Vous avez employé délivrer au sens anglo-saxon du terme. Oui, c'est vrai. Donc vous pouvez mettre une pièce dans le cochon. Je vais en trouver une. Et puis, deux jours après, une agence de notation dégrade la note de la Grèce. Donc, Ça prouve quoi ? Ça prouve que les marchés financiers ne croient absolument pas aux possibilités de redressement de la Grèce. Et pour cause, parce qu'en effet, les plans d'austérité, les plans d'austérité que l'on déclenche maintenant... Voilà, l'obol qui a été payé par notre ami Laurent. Les plans d'austérité draconiens qu'on déclenche maintenant arrivent beaucoup trop tard, bien trop tard, pour enrayer la crise systémique. Ces plans d'austérité, en effet, ont pour conséquence de geler la consommation, l'investissement et en fait de paralyser l'économie. Et je comparerais ça à un drogué, mais tellement dépendant de la drogue, que quand on lui enlève la drogue, il meurt. Et là, la Grèce, c'est pareil. Et les marchés financiers ne vont pas être... dissuader de dégrader les notes du Portugal, de l'Espagne, de la Belgique, de l'Italie, etc. C'est-à-dire que le sauvetage entre guillemets de la Grèce n'en est pas un. Et à l'échelle de la Grèce et à l'échelle de l'ensemble de l'Europe, mais aussi du monde, puisque on voit que la Maison Blanche scrute avec le plus grand intérêt l'affaire grecque, parce que la Maison Blanche a bien pris conscience que c'est une crise systémique global et que le jeu de quilles est lancé, il ne s'arrêtera plus et il atteindra l'économie américaine qui est sur la sellette avec ses 14 000 et quelques milliards de dollars d'endettement, de dette publique et avec actuellement le blocage politique très sérieux qu'il y a à Washington entre le Congrès et la Maison Blanche. On est vraiment maintenant dans le deuxième stade de la crise économique mondiale, la crise des États. Christophe Beaumont, partagez-vous cette analyse de Laurent-Arthur Duplessis? Et pouvez-vous dire aux auditeurs de Radio Courtoisie si vous partagez, non pas l'analyse de Laurent-Arthur Duplessis, qui est pessimiste, mais celle des autres médias, je ne parle pas de Radio Courtoisie, qui ont tendance à dire « c'est formidable, nous sommes gouvernés par des dieux qui viennent une nouvelle fois de sauver l'Europe, c'est-à-dire la planète ». Ben, il n'y avait qu'à voir leur tête lors de la conférence de presse et à la sortie donc du sommet, du mini-sommet sommet du FES. J'ai aussi du mal à prononcer correctement. Pour le Fonds européen de stabilisation. Exactement. Donc pour des hommes politiques et des femmes politiques qui avaient sauvé l'Europe. Des hommes politiques. Les femmes politiques sont des hommes politiques. Hein. Qui avaient sauvé la planète. Et il faisait vraiment triste mine. La réalité, c'est, je crois que tout le monde commence à la comprendre, c'est que les pays faibles de l'eurozone, ou de la zone euro, ça sera, on va le dire en français, Grèce, Portugal, Irlande et vraisemblablement de plus en plus l'Espagne, ont des caractéristiques qui sont identiques, c'est qu'ils ont des déficits de la balance des paiements plus un déficit public très élevé, ce qui les empêche de retrouver toute compétitivité, de se remettre à flot avec la valeur de l'euro telle qu'il est aujourd'hui. Donc la situation qui a lieu aujourd'hui, qui consiste à être tenté de les refinancer par les pays les plus forts de la zone euro, en créant encore plus de déficits dans ces pays qui sont déjà eux-mêmes submergés de déficits publics, est devenue complètement folle. Et pour reprendre, prolonger les propos qui ont été tenus juste avant, Laurent-Arthur Duplessis, c'est qu'on voit de plus en plus dans cette crise apparaître une opposition entre les peuples des pays et la classe dirigeante qui, à force de se froncer à tête baissée dans l'utopie... L'oligarchie dont parle Yvan Blot et le professeur Cotta. Dans l'utopie keynésienne qui consiste à croire qu'il faut refinancer sans arrêt les banques pour essayer de maintenir à flot l'économie, conduit à une fracture totale entre la volonté des peuples, qui est simplement d'avoir du travail, et la volonté de sauver les banques, qui deviennent de plus en plus de volontés, qui semblent de plus en plus incompatibles sur le long terme. Et qui nous allons voir apparaître dans les prochains mois et dans les prochaines années un paradoxe, qui consiste à voir nos impôts ou notre dette augmenter pour financer des déficits extérieurs à notre nation. Ce qui est complètement fou, c'est-à-dire qu'on a eu des déficits ces 10 dernières années pour financer notre système public, pour financer des investissements dans notre pays, mais pour la première fois, on va voir apparaître des déficits publics en France pour financer même pas des investissements, c'est-à-dire le paiement d'une dette à l'extérieur, ce qui est complètement délirant. Alors, Nicolas Stocker, partagez-vous cette analyse de Christophe Beaumont qui nous dit... Jusqu'à présent, les gouvernements ont creusé la dette de l'État en France pour financer les folies de l'État lui-même. Mais maintenant, on demande aux contribuables français de s'endetter pour financer les folies des autres, en l'occurrence des Grecs. Oui. Alors, quand pensez-vous, est-ce que ça vous paraît une bonne façon de diriger le pays, notre pays, la France ? Cette question, vous la retrouvez aussi aux États-Unis avec la dette américaine. Ah, ils ne payent pas pour les Grecs, ils payent pour eux. Non, mais c'est-à-dire que lorsque il est fait reproche au Tea Party qui le mouvement de la partie de thé, qui représente un élément du Parti républicain et qu'on les juge dangereusement extrémistes parce que eux considèrent que mettre des milliards de dollars de dette et dépasser ça en toute allégresse, c'est formidable. Ce seraient eux les extrémistes, tandis que les autres seraient des gens raisonnables. Ça ne me paraît pas si évident. Je crois qu'il faudrait plutôt inverser les données. Nous continuons la marche triomphante vers le fédéralisme européen. Moi, je crois qu'il y avait une certaine liesse jeudi soir des grands dirigeants. Je crois qu'il n'y a que Trichet, cet orthodoxe qui n'avait rien compris. Vous savez, l'Europe fonctionne, c'est assez connu, c'est la marche par le déséquilibre. C'est-à-dire parce que vous butez sur le sol, vous mettez un pas en avant. Bon. À chaque fois que les Européens ont un problème, on nous explique qu'il n'y a pas assez d'Europe. Fitoussi disait dernièrement, mais finalement, si on a un problème aujourd'hui, c'est parce qu'en 1992, sur le traité de Maastricht, ils avaient certes prévu l'euro, mais ils n'avaient pas prévu à côté de cela le fédéralisme européen, la gouvernance économique européenne. Et aujourd'hui, on nous resserre à nouveau la gouvernance économique européenne, en nous expliquant, et d'ailleurs c'est ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire, alors sur quoi ça va se bâtir ? Sur tout système se bâtit souvent sur une sorte de péché originel. Et le péché originel, là, c'est justement ce qui a été accepté dans le cas grec, c'est-à-dire un défaut partiel de paiement. On n'imaginait pas un instant un État pouvant se trouver dans cette situation. Accepter cela, c'est finalement porter un coup, encore une fois, à l'État-nation. Prêtons-y énormément attention parce que c'est par cette manière, comme toujours, par le biais des crises économiques, des crises financières, que les européistes réussissent, encore une fois, à aller plus vers plus de fédéralisme, vers plus d'Europe. C'est le paradoxe, c'est-à-dire que plus ils perdent, plus ils gagnent, d'après ce que vous nous expliquez. C'est un plus jeu ils vont d'échec en échec c'est ça. À l'heure actuelle, et plus ils renforcent... Écoutez, lisez les commentaires, enfin, vous avez vu comme moi, une liesse générale, bravo, vous le disiez vous-même, grâce à nos génies. Je disais qu'on le disait, je n'en prenais pas cela. Bien sûr, non, mais évidemment, on est tout à fait... Je ne voudrais pas que les auditeurs de Radio-Canada se méprennent sur mes... Non, mais ils ont l'air tout à fait enchantés. Alors écoutez, je me tourne vers Emmanuel Ratier, donc, qui est journaliste écrivain, et qui... un œil tout à fait indépendant sur la situation politique. Alors, quand même, une petite rectification. Vous parliez de milliards de dollars pour la dette américaine. Non, il faut parler en trillions de dollars. C'est-à-dire, le trillion est une unité qui revient à la mode, et je l'emploie au sens américain de trillion et au sens français de 1000 litres. Le trillion, c'est 1000 milliards. Bon. Oui, 1000 milliards. Le trillion, c'est 1000 milliards. Parce qu'il y a aussi un sens scientifique qui, à mon avis, brouille l'entendement. Il faut le dire au sens des 1000 litres, 1000 milliards. Vous avez le billion qui est le milliard, et le trillion qui est le million, le trillion. Billion, synonyme de milliard. Bon. Eh bien, donc, la dette américaine, c'est de l'ordre de 15 ou 18 trillions de dollars. 15 000 milliards. 15 trillions de dollars, voilà. Elle approche des 15. Voilà, on est à 14 940. Vous vous rendez compte. Alors, avec un PIB mondial, un produit intérieur brut mondial, qui doit représenter 60 trillions de dollars. Vous voyez là, nous parlons de la dette publique américaine, pas de la dette totale publique et privée. Hein, dette publique. Donc, nous sommes montés sur un volcan. Et celle des ménages est à 14. Voilà, c'est ça, c'est qu'il faut additionner, bien évidemment, les deux. Sinon, ça n'a pas de... Alors nous sommes donc dans un monde... les commentaires iréniques des journaux et des pseudo-experts consultés dans les autres médias, parce qu'à Radio-Courtoisie, on préfère faire venir des gens sensés, eh bien, en général, on fait ce qu'on veut. On peut faire venir aussi des gens qui sont moins sensés, mais je pense qu'on peut aussi faire venir des gens sensés à Radio-Courtoisie, ce qui ne se fait beaucoup plus ici qu'ailleurs. Comment expliquez-vous, vous qui êtes un spécialiste de l'analyse des médias en général, de la manière dont on influence sur l'opinion publique, Emmanuel Ratier, comment expliquez-vous une telle inconscience ? Alors, je pense qu'il y a quand même un changement chez un grand nombre d'économistes. qui ne revendent pas le même discours, qui sortent pas le même discours que celui dont vous parliez. Il y a beaucoup d'économistes qui s'interrogent sur, je pense par exemple à Jacques Sapir, à un certain nombre de gens qui viennent d'attaque. À toute une série. Vous aviez des références à la gauchisante. Vous pourriez parler d'Alain Cotta ou de Jean-Jacques Rosa. Il faut que vous on peut citer des. Vous aviez parlé des gauchistes extrémistes. Mais vous aviez parlé d'Alain Cotta. Bon, on peut parler aussi, même s'il est décédé, de Maurice Sallet. Mais c'est pas parce que, pour une fois, un économiste de gauche, entre guillemets, aurait de bonnes idées qu'il ferait les rejeter. Par hasard. Voilà. Donc, actuellement, je pense qu'il y a une énorme inquiétude. Non, mais je vous interromps. L'essentiel n'est pas d'avoir de bonnes idées, mais d'avoir de bonnes idées pour de bonnes raisons. Quand on a de bonnes idées qui sont fondées sur une fausse analyse, en fait... C'est... Bon. Si vous avez déjà jugé, ce n'est pas la peine que je parle. Donc, ce que je crois, c'est qu'il y a beaucoup de journaux, de publications économiques. Je pense aux Échos, je pense à Capital, je pense Enjeux. Je pense toute une série de journaux de ce type, plus des revues plus théoriques, qui s'interrogent vraiment sur la question de la crise systémique, qui était une notion qui était ridiculisée en 2007 encore, qui a apparu en 2008. Et ce que disait Laurent-Arthur Duplessis, absolument exact, on est rentré dans la seconde phase de la crise systémique, la crise des États, et il y en aura une troisième. En fait, le problème, il n'est pas plus haut de s'interroger sur qu'est-ce qui est et qu'est-ce qu'on pense de la Grèce. C'est plutôt, c'est qui va y passer cet été. Attendez, moi je me retourne vers. C'est qui vers va y Christophe passer Beaumont. Quel autre État va faire faillite cet été Attendez, je me retourne vers Christophe Beaumont et Laurent-Arthur Duplessis, qui sont des experts en économie, parce que, en fait, la première étape de la crise a paru officiellement, si je puis dire, le 15 septembre 2008. Avec la faillite de Lehman Brothers, crise que l'on peut appeler crise de 2008, comme on parle de crise de 1929, ça a été le transfert de la dette privée à la dette publique. On a étatisé la dette privée selon le principe... Ce qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Les banquiers du monde et les banques centrales qui vivent en concubinage intellectuel et moral avec les banquiers ont inventé la notion du risque systémique pour contraindre les opinions, les publics, pour les persuader qu'il fallait que les États reprennent, refinancent en fait les banques qui avaient accompli des politiques aventureuses. Selon le principe, privatisation des profits, étatisation des pertes. Et donc ça, c'était la première étape. On a sauvé les banques en endettant les États. Et maintenant, les États qui sont archi-endettés commencent à défaillir. Avant de faillir. Et le premier exemple, c'est la Grèce, car on oublie de dire dans les autres médias que le fait que la Grèce ne rembourse pas tous ses emprunts est déjà, malgré la dette que lui apportent les autres pays européens, c'est déjà une faillite d'État. La faillite d'État est accomplie. On a obligé les emprunteurs à renoncer à une partie de leur dette. Donc ça s'appelle un défaut de paiement, donc en langage courant, une faillite. Ce ne sont pas des sommes anodines. Ça représente pratiquement un milliard pour la BNP. Oui, mais ce sont au total des dizaines de milliards d'euros. Bon. Et donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, et là on rejoint l'analyse de Nicolas Stocker, la deuxième question est politique. Peut-on faire passer la pilule auprès des électeurs européens qui commence à savoir en France que leur État français est lourdement endetté, d'un endettement supplémentaire dû à la prodigalité et à la folie des Grecs. Et puis demain, pourquoi pas le Portugal, pourquoi pas l'Irlande, pourquoi pas l'Espagne, l'Italie aussi. On voit que l'opinion publique allemande déjà a freiné au maximum Angela Merkel, qui vraiment... Elle a freiné peut-être, mais ça n'a pas empêché le résultat. Et en tout cas, ça n'empêchera pas non plus la faillite en série. C'est-à-dire, je crois que très très vite, le débat de la volonté populaire va être dépassé, parce que très très vite, on va se rendre compte que plus personne ne contrôle rien. Plus personne n'a la maîtrise de quoi que ce soit. Et on en a déjà eu la preuve, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la dégradation de la note grecque par une agence de notation deux jours après cette seconde aide. Et on va voir bientôt défaillir, comme vous dites très très bien, le Portugal, l'Espagne, etc. Et avec l'Espagne, l'Italie, on a de très très très gros volumes en jeu. À ce moment-là, on se rendra compte que de toute façon, les sommes nécessaires pour sauver ces pays ne sont pas mobilisables. Et de toute façon, à ce moment-là, l'impuissance des oligarchies apparaîtra dans toute son étendue, et ce sera l'impuissance d'une oligarchie confrontée à la faillite de son système. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est déjà perçu aux États-Unis, où il y a une décision qui a été prise le 15 juillet, qui est passée pratiquement inaperçue, où il y a eu les premières restrictions sur l'achat de l'or aux États-Unis. Quelles restrictions ? L'achat de l'or est exclusivement réservé aux entreprises et aux personnes qui détiennent, par exemple, ça dépend de la taille des familles, mais il faut détenir, plus si on est célibataire, sa propre maison, plus $1 million. Pour un couple, et où il faut, par exemple, être un couple et gagner plus de $300 000 par an. Si vous voulez, j'ai les documents. Je les ai publiés dans les documents. Je croyais que l'Amérique avait encore un peu de respect des libertés. On interdit aux gens. En France, on paye un impôt, mais on peut acheter de l'or. Je vous rappelle que de 1930 à 1974, en gros, c'était un délit fédéral, passible de 30 ans de prison et de plusieurs dizaines de milliers de dollars d'amende, de détenir des pièces d'or ou des lingots aux États-Unis. Et on dit que c'est le pays de la liberté. Cet arrêt a été... Bon, et là, ils viennent, comme ils savent très bien que tous les gens sont en train de se ruer sur l'or, parce que la question, je vais en parler mercredi dans mon émission, c'est pas tellement jusqu'où l'or va-t-il monter, c'est jusqu'où le papier va-t-il baisser en ce moment. Et donc, il y a une ruée actuellement vers l'or. Et donc, les États-Unis vont rétablir la prohibition de l'or, comme ils l'ont fait pour la prohibition de l'alcool. Quand vous dites que la monnaie va baisser, ça suppose qu'il y ait de l'inflation. L'inflation, pour l'instant, ce n'est pas le cas, est jugulée par la concurrence internationale. Surtout, ce qui peut y avoir, c'est une inflation des actifs, mais il ne semble pas que ce soit le cas non plus. Si, sur les matières premières. Mais la réalité, c'est que la monnaie qui est émise aujourd'hui ne revient pas dans le circuit économique. Elle ne sert qu'à éteindre les dettes quand elles arrivent à échéance. Donc c'est bien d'ailleurs le problème, c'est qu'à dire qu'on crée de la dette pour garantir en quelque sorte les anciennes dettes qui ne sont plus rentables et ne sont plus viables. Et c'est bien ça le drame, c'est qu'on augmente sans arrêt la quantité de dette sans que l'argent circule réellement dans l'économie, ce qui serait d'ailleurs totalement l'hypothèse keynésienne théorique, qui est totalement fausse, on l'a déjà dit. Et quant à l'effondrement des monnaies, une monnaie ne tient aussi pour des raisons, enfin en l'occurrence le dollar, c'est quand même la monnaie de référence dans les échanges internationaux. C'est quand même une économie qui est colossale. C'est la première armée du monde. On ne faut pas non plus. C'est pas du tout le même problème. Oui, mais c'est 15 trillions de dollars de dette publique. Oui, mais ce n'est pas non plus le même problème que l'euro. Il y a un véritable État fédéral qui fonctionne. Bref, on n'est pas du tout dans la même configuration. Il y a de toute évidence aujourd'hui dans une économie qui est a énormément de points positifs. On a une population qui est inemployée. On n'est pas donc dans la saturation des moyens de production. On est dans une révolution technologique. Et pourtant, on voit une crise qui se développe de manière endémique parce que le stock d'actifs et de dettes est beaucoup trop grand par rapport à ce qui est le compte d'exploitation, en fait, pour faire simple. Bon, Christophe Beaumont, j'en déduis. Et donc, il faut forcément le diminuer. Donc, il y aura des défauts. Et je pense que c'est bon, ça va relancer les économies. Reste à savoir comment ce système de défaut va être contrôlé et qu'est-ce qui va se passer pour l'euro, même si on peut souhaiter revenir à nos monnaies nationales. Donc vous prétendez, Christophe Beaumont, que la faillite des États leur permettra de purger leurs dettes et que c'est une excellente chose et que ça permettra ensuite à l'économie de repartir normalement. La crise économique, la deuxième étape de la crise économique qui est l'endettement excessif des États et leur défaut de paiement serait, d'après vous, la dernière étape, et une fois que le défaut de paiement sera observé, l'économie va repartir. Alors, il y a deux choses. D'abord, aujourd'hui, nos économies sont construites sur de la dette. Et systématiquement, la dette sert à la production. Donc, il faudra repenser notre manière de vivre et de produire avec moins de dette, avec des stocks de dette plus faibles. La deuxième chose, c'est que l'exemple historique, soit dans les pays asiatiques ou de l'Argentine, a montré que l'effondrement de la monnaie a permis, dans les mois qui ont suivi, et les années très proches, une relance au moins de l'emploi. C'est-à-dire que ça a permis de remettre les personnes au travail, même si ça a diminué la richesse nationale, apparente, puisque finalement ce n'était que des dettes. Et deuxièmement, ça a fait diminuer ce que les statisticiens appellent le coefficient de Gini, c'est-à-dire les inégalités au sein des pays, forcément. Le coefficient de Gini, Oui, mais alors maintenant on arrive à un autre momentum de la crise systémique, justement, par rapport à un autre moment de la crise systémique. Enfin, c'est du latin. Oui, mais... À une autre étape de la crise économique par rapport à 2000, de la crise systémique par rapport à 2005, cette fois-ci, la crise, elle est beaucoup plus aiguë, c'est-à-dire qu'en 2000, il y avait encore de la ressource dans le système, et l'Argentine a pu profiter de cette vitalité générale encore. Tandis que là, maintenant, il me semble qu'on est arrivé à un stade où il n'y a plus de ressources dans alors le Laurent, système. Laurent, j'aimerais que cette émission de politique ne se transforme pas en émission d'économie, car la question qui se pose est de savoir, elle a déjà été abordée par Nicolas Stocker, mais je vous la pose à tous, les opinions, les électeurs vont-ils être bernés? Croire que ceux qui les ont mis dans cette panade sont en fait leurs sauveurs. Je lis tous les jours les journaux, et notamment le Figaro qui est la Pravda sarkozyste, présente des photos glorieuses de notre petit frénétique qui est à l'Elysée, qui paraît tout à coup comme une espèce de sauveur de la planète, de l'Europe et de la France. Et on voit d'ailleurs que ça marche apparemment. Ça marche peut-être. En tout cas, les sondages sont moins mauvais. Il reste à un niveau d'impopularité très remarquable. Mais il remonte avec ses petites pattes de quelques points sur l'échelle le baromètre des sondages. Y a-t-il, moi je me tourne vers Nicolas Stocker et vers Emmanuel Ratier, qui sont des fins analystes de la vie politique. Monsieur Nicolas Sarkozy, président de la République, est-il en train de tirer parti de la crise? Nicolas Stocker. Alors, avant d'arriver sur ce point exact, juste pour conclure sur l'aspect financier, sur une provocation, une petite provocation. Je pense que nos amis grecs, malheureusement, n'étaient pas assez endettés. Il faut être endetté comme les États-Unis pour ne pas avoir de problème. Vous connaissez tous la petite histoire de la personne qui se retrouve avec 1000 euros à découvert auprès de son banquier. Dans ces cas-là, il ne dort plus la nuit hein, parce qu'il se demande comment il va réussir à rembourser ses 1000 euros. Et puis, s'il avait 1 million de découverts, là, lui, il dormirait très bien. C'est son banquier qui commencerait à ne plus dormir. Bon, ben, c'est exactement ce qui se passe entre les Grecs et les Américains. Alors si je dois un peu d'argent à la banque, c'est mon problème. Si je dois beaucoup d'argent à la banque, c'est le problème de la banque. Voilà. C'est ce que vous voulez dire. Bon, peut-être. Première chose. Deuxième chose, pour revenir sur Nicolas Sarkozy. Ben oui, mais ça, c'est quand même la logique du tant et plus. Tant et plus, il faut toujours plus de déficit. Enfin, l'important est de faire l'actualité. Nicolas Sarkozy est toujours dans l'actualité. Les maîtres sondeurs nous expliquent aujourd'hui que l'on passe d'une valeur absolue à une valeur relative pour les hommes politiques. Et que, entre autres, l'idée de crédibilité politique de Nicolas Sarkozy pourrait lui valoir aujourd'hui une remontée, et lui vaut d'ailleurs une remontée dans les sondages. Certes, au second tour, il reste très nettement devancé par le candidat socialiste, quel qu'il soit. Il serait battu à peu près autour de 60-40. Il y a un rejet toujours très important, une grande impopularité du président de la République. Une grande partie de ses électeurs ne sont pas prêts à voter à nouveau pour lui. Par contre, au premier tour, et ça, c'est une question qui pourrait en effet faire couler de l'encre et nous faire parler les uns les autres. On observe qu'il devient à nouveau le leader assez incontestable à droite. Il est crédité de 26-27. Le dirigeant, le meneur. Absolument. Il est à peu près à 27% dans les sondages. Marine Le Pen n'est plus qu'à 17. Il y a 10 points d'écart. Alors certes, les choses vont beaucoup évoluer, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Alors, est-ce dû à la situation financière et économique, Emmanuel Ratier, ou est-ce dû à des effets purement politiciens? L'affaire Strauss-Kahn et le scandale que cela représente pour l'image morale des socialistes, et je répugne à employer le terme de morale lorsqu'il s'agit de Strauss-Kahn et même des socialistes, les campagnes de rumeurs contre Martine Aubry, tout cela n'est-il pas un moyen pour Sarkozy en termes relatifs de retrouver un peu de faveur ou pour diminuer la défaveur qu'il avait dans les médias? Et d'autre part, Marine Le Pen, de la même manière, n'est-elle pas purement simplement victime bien de l'ostracisme qu'elle subit de la part des médias depuis le mois de février ou le mois de mars? Alors je crois qu'il y a une équipe à l'Élysée qui est tout à fait exceptionnelle, qui est réunie autour de Patrick Buisson, qui est un véritable professionnel de la politique, parce qu'il a fait pendant très longtemps ses armes dans la droite nationale. Donc c'est quelqu'un qui sait définir l'adversaire, à la différence des démocrates. Et donc, ils ont une véritable cellule avec... Spin Doctor, mais... Bon, écoutez, là, écoutez, vous méritez une amende double et triple. Voilà. Traduisez, Henri. Je ne sais pas ce que ça veut dire, donc je ne peux pas vous le dire. Eh bien, mettons des diffuseurs de rumeurs, si vous voulez. Mais c'est la technique qui est employée, j'en parle régulièrement. C'est la technique du deux pas en avant, un pas en arrière, qui est utilisée par les députés de ce qu'on appelle la droite populaire, qui font des provocations dont chacun sait qu'elles seront jamais adoptées par l'Assemblée nationale, mais ils les font. Il y a un autre député qui est chargé de dire ils vont un peu trop loin, et puis on choisit une mesure moyenne, exactement comme Claude Guéant en ce moment à propos de l'immigration légale. Aucune de ces mesures n'est jamais appliquée ensuite. Mais l'électeur, chacun le sait, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, pas ceux qui les font. Donc pour le moment, ça fonctionne. Mais ce qu'il y a, c'est que les sondages actuellement, l'opinion n'est pas du tout cristallisée par rapport à mai, avril-mai l'année prochaine. On ne sait absolument pas. Les jeux étaient faits, c'était Dominique Strauss-Kahn qui était le représentant du Parti Socialiste. Il ne l'est plus. Il peut arriver n'importe quoi. Et d'autre part, l'opinion des gens n'est absolument pas faite. On est dans une crise extraordinaire. 2011, c'est l'année de tous les dangers. Il s'est produit plus d'épisodes qu'il s'est produit en 10 ans depuis 2001 dans le monde entier, avec les révolutions arabes, les affaires du Japon, toutes sortes de choses comme ça. La crise qui reprend, à la fin de l'année, il y aura peut-être 6 à 7 pays européens qui seront en faillite. Donc, bien malin celui qui peut dire qu'il sera élu l'année prochaine. Moi, je ne ferai aucun pronostic et je ne me fonderai pas sur les sondages. Je suis ce malin puisque je vous dis que le candidat socialiste sera élu l'année prochaine. Voilà. Et je pense que vous avez raison de dire qu'il y a beaucoup d'événements, mais je ne partage pas votre avis quand vous pensez que Nicolas Sarkozy, avec ses sorciers ou ses gourous médiatiques ou son onologue, réussira à tirer parti de ces événements au point de se faire élire. Pourquoi ? Parce que, premièrement, Nicolas Sarkozy s'est disqualifié et les gens, il a une réputation maintenant détestable auprès de l'immense majorité des Français. Bon. Et ça, cette réputation, elle est cristallisée. L'opinion sur le monde, sur la crise, etc. n'est pas cristallisée, mais l'opinion que la majorité des Français ont sur le personnage Nicolas Sarkozy, elle est cristallisée. Et ils voteront au second tour contre lui. Ils éliront un âne, si cet âne est candidat socialiste, s'il est opposé à Nicolas Sarkozy, pour ne pas avoir un second mandat de Nicolas Sarkozy. Voilà mon pronostic. Si je me trompe, eh bien, j'aurais perdu les paris que j'ai passés sur le sujet. Et si ce n'est pas un candidat socialiste ? Mais peu importe, ils éliront... la seule hypothèse serait un second tour entre Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, où effectivement Marine Le Pen serait battue par Nicolas Sarkozy. Mais cette hypothèse me paraît impossible, parce qu'il faudrait que le candidat socialiste soit éliminé au premier tour, ce qui me paraît extrêmement peu probable. Bien. Deuxièmement, les gourous, et Patrick Buisson est un homme de grand talent, cela dit, ils commettent une erreur classique qui consiste à vouloir refaire ce qui vous a réussi. La stratégie actuelle de Nicolas Sarkozy est exactement celle qu'il avait en 2007, consistant à draguer les électeurs intermédiaires entre la droite classique et la droite populiste, c'est-à-dire le Front National. Bon. Le raisonnement de base qui était énoncé et que j'ai lu dans un article de Paris Match qui reproduisait ce que disaient les gens de l'Élysée, dont Patrick Buisson. Oui, il y avait une note de Patrick. C'est qu'il y a une triangulation à faire. L'élection va se jouer en grande partie sur, comme en 2007, sur l'électorat de droite, de la droite, de la droite. Et la triangulation, c'est le cas des 10 ou 20% d'électeurs, peut-être plus, qui peuvent choisir entre trois options, le vote Sarkozy et UMP, le vote Marine Le Pen et Front National, et l'abstention, et aussi l'abstention. Bien. Seulement, l'ennui pour Nicolas Sarkozy, c'est qu'il ne peut pas vendre indéfiniment ce qu'il a réussi à vendre en 2007, c'est-à-dire qu'il est susceptible de redresser la France en matière d'immigration, par exemple, en matière de sécurité. Parce que les gens savent qu'il n'a pas tenu ses promesses. Il ne les avait pas tenues en 2007, mais les gens naïfs croyaient que s'il ne les avait pas tenues, c'est parce que pendant 5 ans, il était sous la coupe du méchant Jacques Chirac qui l'empêchait de réussir. Et Nicolas Sarkozy, en 2007, a fait campagne sur le thème de la rupture, ce qui était quand même extraordinaire parce qu'il était au gouvernement depuis 5 ans. De la rupture avec lui-même, en fait. Mais cette fois-ci, il est hyper-président. Et plus il plastronne dans les médias, plus il se pose en hyper-président, plus il est responsable de la crise. C'est le paradoxe. Et donc, il ne peut pas en sortir. Parce que s'il ne se met pas en avant dans les médias, son impopularité ne va pas s'améliorer. Mais s'il se met en avant dans les médias, par là même, il endosse la crise. Et donc, en fait, il ne fait que s'aggraver. Donc, de toute façon, il est perdant, quoi qu'il fasse. Voilà l'analyse que je vous soumets, cher Emmanuel Ratier, vous qui êtes un éminent politologue. Mais très bien. Mais je ne vous dis pas le contraire du tout. Ah bon. Je crois que c'est trop tôt. Mais non, ce n'est pas trop tôt pour parier. Et non, alors, ce n'est pas, là, je fais un pronostic, je ne fais même pas un vœu, je fais un pronostic. Bien. Je voudrais quand même vous soumettre une opinion qui m'est venue récemment, que j'ai vaguement évoquée faute de temps, à la fin de la dernière émission, lundi dernier, c'est celle des opérations des officines et des complots. Alors, je ne suis pas, comme vous le savez, cher Emmanuel Ratier, cher Laurent Arthur Duplessis, cher Christophe Beaumont, vous ne le savez pas encore, Nicolas Stuckert, mais je ne suis pas actuellement un général adepte des théories du complot. Je dis au pluriel. Hein. Je crois simplement, parce que c'est du bon sens, qu'entre les négationnistes qui croient qu'il n'y a jamais de complot, les conspirationnistes qui voient des complots partout, ou qui expliquent tout par la main invisible de la trilatérale, il y a un moyen terme qui consiste à dire qu'en général il y a des complots, mais qu'il est très difficile de dire quand il y en a parce qu'on n'a pas les informations, parce que par définition les complots sont secrets. Et par conséquent, lorsque j'ai entendu dire et que j'ai lu sur Internet que M. Nicolas Sarkozy, pas lui-même, ne faisons pas de la diffamation, mais certains des sbires qui sont autour de lui, pourraient être pour quelque chose dans les avatars de M. Strauss-Kahn à la Nouvelle-York le 14 mai, je me suis dit que c'était une théorie du complot de plus et que ce n'était pas sérieux. Bien. Or, j'ai lu dans Le Monde il y a quelques jours, vous l'avez peut-être lu aussi en page 3 du Monde, un article absolument extraordinaire. On ne réveille pas le président. Qui parle. Ouais, l'article s'appelle On ne réveille pas le président, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est que le 14 mai 2011, au moment précis où se produisait ce que l'on sait à l'hôtel et à l'aéroport, que faisait Nicolas Sarkozy ? Il regardait. Match de foot. Une partie de balle au pied. Ou si vous préférez un match de football. vous m'avez compris. Une partie de balle au pied. Et il regardait ça dans la tribune présidentielle du Stade de France. Et il y avait à côté de lui, bon, le hasard n'est peut-être pas extraordinaire, mais c'est quand même savoureux, en ce 14 mai 2011, qui avait eu la chute de Dominique Strauss-Kahn, il y avait la seconde personne la plus intéressée en France à l'élimination de Dominique Strauss-Kahn, c'est-à-dire Martine Aubry. Elle était avec lui, avec Nicolas Sarkozy. Et c'est normal, puisque c'était une partie de balle au pied entre le PSG et le club de Lille. Mais le plus extraordinaire, et c'est là qu'on commence à se demander, c'est-à-dire que le hasard fait quand même un peu bien les choses, c'est qu'il y avait à 2 mètres du président, dit le Monde, à 2 mètres du président, un certain René-Georges Kerry. Jo Kerry. Alors son nom, c'est, à l'état civil, c'est René-Georges Kerry, Q-U-E-R-Y, Q-U-E-2-R-Y, donc rien à voir avec l'ancien candidat à la présidentielle américaine. Et ce René-Georges Kerry était à l'époque, le 14 mai 2011, le responsable de la sécurité de tout le groupe Accor, donc de l'hôtel Sofitel de la Nouvelle-York. Bien. Et on apprend dans ce journal que ce René-Georges Kerry n'est pas n'importe qui, que c'est un policier de haut vol, qui, c'est notamment lui qui a été chargé de liquider Mesrine, enfin qui a mené l'opération qui a abouti à la liquidation de Mesrine. Il y avait Broussard aussi. Hein. Il y avait Broussard, et ce Kerry a été directeur de la brigade de répression du banditisme. La BRB. Il est ami intime de Ange Mancini. Qui est Ange Mancini ? C'est le chef de la sécurité qui est à l'Élysée. Bon. Et il est évident que les gens de la sécurité de l'hôtel Sofitel à New York dépendent directement des ordres de monsieur... Bon. Alors, je ne vais pas diffamer monsieur Kerry et l'accuser d'avoir manipulé madame Diallo. Mais je dis que ceux qui répondent ce genre d'accusation, notamment François Loncle, député radical de gauche, peuvent tirer parti, dans ce qui est peut-être un fantasme, de ces coïncidences extraordinaires. Autre coïncidence extraordinaire, c'est qu'après ce que François Loncle appellerait les bons et loyaux services de M. Kerry, M. Kerry a été recruté par qui ? Par M. Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, qui est le parrain du fils de Sarkozy, un ami intime de Sarkozy, et c'est lui qui lui a prêté, vous le savez, le yak où il a passé ses vacances pour son repos bien gagné après l'élection présidentielle de 2007. Alors je trouve que cette affaire est extraordinaire et que l'exploitation qui a été faite ensuite, en tout cas de l'affaire Strauss-Kahn, n'interdit pas de se poser des questions sur l'hypothèse du complot. Alors il y a deuxième... Alors vous savez que dans les élections présidentielles, il y a des officines qui travaillent. Bon. Et l'hypothèse de ceux qui disent « Nicolas Sarkozy sait que dans un combat à la loyale, il a perdu », eh bien, lui ou ses sbires se disent, mais justement, pour ne pas perdre, il ne faut pas que le combat soit loyal. Il suffit de regarder ce qui s'est produit en Grande-Bretagne avec la presse Murdoch. Voilà. Alors, il y a des campagnes de rumeurs contre Madame Aubry. Bon. Je lis dans la presse que circulent des rumeurs que, évidemment, je connaissais, comme un certain nombre d'auditeurs de Radio Courtoisie, on disait dans la presse, et c'est diffamatoire, et d'ailleurs rejeté avec mépris cette accusation, qu'elle est homosexuelle, qu'elle est alcoolique et qu'elle a une tumeur au cerveau. Ce qui est quand même beaucoup pour une seule personne. C'est un peu comme Sammy Davis Jr. Alors je suppose qu'elle poursuivra en diffamation ceux qui disent ça sérieusement, puisque c'est évidemment diffamatoire et calomnieux. Et alors, il y a un bruit qui circule. Alors là, je suis sûr qu'il y a une officine sarkozyste qui est derrière, parce que j'ai reçu beaucoup de messages en ce sens, et notamment une vidéo remarquablement faite sur le thème « Martine Aubry est non seulement pro-musulmane, mais quasiment islamiste, et surtout son mari, maître Jean-Louis Brochin, est islamiste. » Alors là, j'avoue que je me tourne vers Emmanuel Ratier parce que je suis perplexe. Pourquoi ? Parce que j'ai vu des j'ai même dit à l'antenne de Radio Courtoisie que c'était un bobard. Que j'avais vu un démenti, et j'ai vu effectivement un démenti de M. Brochin qui disait qu'il n'était pas islamiste. Mais, la question, alors il a défendu des avocats, il a défendu des militants d'islamisme, mais un avocat défend toutes sortes de causes, et ça ne veut pas dire qu'il embrasse les causes qu'il défend. Bien. Cela dit, Maître Jean-Louis Brochin, mari de Mme Aubry, a eu un communiqué que je n'ai pas réussi à retrouver, et j'ai vu des commentaires sur le site de gauche rue 89 qui étaient eux-mêmes ambigus. Disant, il n'est pas islamiste. Mais vous savez que dans le vocabulaire actuel, politiquement correct, on distingue musulman et islamiste. Ben Laden est un islamiste, mais le roi d'Arabie Saoudite n'est pas islamiste, ce n'est qu'un musulman. Donc la question que je pose, c'est, monsieur Brochin, est-il musulman ou non ? Oui ou non ? Ça ne serait pas diffamateur de dire qu'il est musulman. Hein ? On peut être musulman en France, beaucoup de gens le sont, donc, mais c'est une question à laquelle on devrait répondre. Donc je ne sais pas, je pose la question à Emmanuel Ratier, qui a pour profession de tout savoir, je vous pose la question, Maître Jean-Louis Brochin, est-il musulman ? Je n'en sais rien du tout, et je pense qu'il ne l'est pas. Voilà. Mais j'ai aucune preuve pour la presse. Moi, je trouve extraordinaire que la presse ne réponde pas à cette question simple. En revanche, on ne l'a jamais vu aller dans une mosquée, etc. En revanche, il y a des déclarations extrêmement claires de Martine Aubry, en particulier à Lille, devant les organisations musulmanes, où elle s'est réjouie que la salle soit composée majorité de monde musulman et considère que ça serait très bien qu'il y ait 25% de musulmans en France, etc., etc. Ça, c'est des déclarations officielles qui ont été filmées. C'est pas diffamatoire. Ce qu'il y a quand même, c'est que Jean-Louis Brochet... Vous savez que Nicolas Sarkozy a tenu des déclarations exactement du même genre. Oui, enfin là, ça va quand même largement de là. Ah non, pas du tout. Parce que ce que j'ai vu Nicolas Sarkozy, c'est autant que Il prend le métissage, lui. Mais c'est différent. Non, mais attendez, il a aussi dit. C'est lui qui a créé le comité du culte musulman, le conseil du culte musulman. Il a fait quantité de déclarations. Mais là, c'est vraiment du débauchage électoral. Et ce qui avait été noté par Fiano Tavener et Caroline Forest, qui l'ont défini dans leur livre, elle l'appelle l'avocat des islamistes. Elles l'ont écrit, d'ailleurs, elles s'en sont excusées dans Brochin. Le monde. Brochin. C'est quand même. Il a été l'avocat du groupe Sniper. Il n'est pas obligé d'accepter quand même les propos anti-blancs et racistes anti-blancs de ce groupe, qui pouvait se trouver quand même un autre avocat. Il a été à l'avocat des 17 lycéennes, 17, c'est pas une, c'est 17 lycéennes voilées, en 93, qui étaient manipulées par les salafistes, qui avaient décidé qui avaient été exclues du lycée Feder de Lille. Il a été l'avocat d'un des 3 islamistes réclépés du groupe de gangsters islamistes de Roubaix. De bandits islamistes. De bandits, si vous voulez. De délinquants. Voilà. Et il est extrêmement lié avec toute une série. Il est également l'avocat d'une association islamique de Roubaix. On ne peut pas dire que ça soit quelqu'un. Il a sans doute peut-être des gens d'autres confessions. Mais vraiment, on peut dire qu'il est l'un des avocats favoris de la communauté musulmane, plutôt radicale de la région de Lille-Roubaix-Tourcoing. Voilà. Voilà qui est clair. Il est certain que Maître Jean-Louis Brochin, le mari de... Et maintenant, il est à la retraite. De Martine Aubry, a été longtemps l'avocat de beaucoup de militants islamistes, de délinquants qui étaient donc poursuivis et qui ont été condamnés parfois pour des faits délictueux ou criminels inspirés par l'islamisme. Ça, c'est certain, oui. Voilà. Mais je pense que c'est en partie du dépochage électoral, parce que par exemple, à Roubaix, il y a une majorité actuellement de personnes qui sont à une génération d'origine étrangère, et donc pour obtenir les votes, on le sait, c'est le rapport de l'association en temps réel, où ils disent qu'il faut se tourner vers les populations immigrées qui votent à 95% pour la gauche. Que ce soit vrai ou faux, que Maître Jean-Louis Brochin soit musulman ou non, ce qui est sûr, c'est qu'il est avocat des islamistes, mais qu'il soit, oui ou non, alors il nie être islamiste, bien sûr, mais qu'il soit musulman ou non, ce qui est sûr, c'est que non seulement les affinistes sarkozystes, mais Sarkozy lui-même ont décidé d'utiliser cet argument électoral. Car la presse a rapporté, alors il faut être initié, hein, la presse a rapporté qu'il parlait en rigolant de Martin et Martine, ou de Martine et Martin. Alors Martine, c'est Martine Aubry, et Martin, il paraît, les gens du Nord le savent, paraît-il, que dans les traditions populaires du Nord, vous savez, avec les fêtes des géants, les des géants. Gilles... Pardon ? Oui, les géants. Les géants, les fêtes de géants. Martin, c'est le maure, c'est-à-dire le musulman. Donc quand Nicolas Sarkozy dit, en rigolant devant les journalistes, Martine et Martin, il fait clairement allusion à l'accusation portée contre Maître Jean-Louis Brochin, Marine Martine Aubry, d'être musulman ou d'être islamiste. Bien. Et donc, les officines sarkozystes, qui sont visiblement reconnaissables, qui diffusent ce genre d'informations par Internet, utilisent peut-être une information véritable, je ne le garantis pas. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'elles le font pour que les électeurs qui sont dans le triangle dont nous parlions tout à l'heure votent certainement pour Nicolas Sarkozy au second tour pour éviter que le mari de l'avocat des islamistes ou le mari d'un musulman, l'épouse d'un avocat des islamistes ou d'un musulman puisse être élu. Donc pour rabattre au second tour les voix du Front National sur le vote Sarkozy, et même peut-être pour que les électeurs du Front National se disent ce serait tellement épouvantable que Madame Aubry soit élue puisque son mari est musulman ou islamiste, que dès le premier tour, pour assurer le vote utile, pour surtout que Nicolas Sarkozy soit au second tour, nous allons voter pour lui. C'est à mon avis clairement. Et alors quand je vois que des gens du Front National diffusent par Internet ces informations sur Martine Aubry, je me dis que franchement, en termes d'analyse politique, ils auraient des progrès à faire, parce que c'est le meilleur moyen pour que les électeurs, dès le premier tour, désertent Martine Aubry pour Nicolas Sarkozy en se disant « Oh là là là !» Pour faire croire qu'il y a une véritable différence entre les politiques conduites en matière d'immigration, comme dans les autres domaines, entre Nicolas Sarkozy et en matière d'Europe, pour poser la même chose, et Martine Aubry, moi, la thèse que je soutiens, c'est celle de l'UMPS. Hein, car en fait, le clivage gauche-droite ne passe pas en réalité entre l'UMP et le PS, qui ont la même politique, quelques chouilles après, si vous me permettez cette expression qui, dans le contexte, me paraît adaptée. Je pourrais dire même kiff-kiff bourrico. Vous ne mettrez pas une pièce dans le cochon. Ah non, c'est uniquement pour l'anglais. Non, pour chouïa. Ah non, c'est uniquement pour les mots anglais. Ah bon ? Vous ne connaissez pas le règlement intérieur de la Radio-Canada, ce sont uniquement les mots anglais. On peut parler arabe, latin, russe, mais pas anglais. Bon, donc, c'est kiff-kiff. Donc, je suis de ceux qui pensent que UMP, PS et kiff-kiff bourrico sur pratiquement tous les sujets essentiels. Alors, bien sûr, il y a des différences. Il y a des gens qui sont très bien à l'UMP, mais qui sont minoritaires et qui ne pèsent pas sur les décisions. Voilà, voilà la vérité. Que pensez-vous de cette analyse, Christophe Beaumont ? Ben, je pense qu'elle est valable aussi pour la Grèce, qu'il n'y a aucune différence entre la gauche et la droite en Grèce. Il s'est trouvé sans aucun problème une majorité pour voter la énième politique de rigueur, et qu'on le voit bien de plus en plus, le clivage passe entre le peuple et l'élite. Attendez, en l'occurrence, nous ne l'avons pas dit jusqu'à présent, mais je le rappelle, pour les gens de bon sens, les économistes de bon sens comme Alain Cotta et Jean-Jacques Rosa, la solution pour la Grèce, c'était de sortir de l'euro, de revenir à la drachme. C'est là où devrait aller leur élite politique. Évidemment. C'est le chemin à suivre. Et enfin, pour revenir, c'est vrai que dans une élection, pour gagner, il faut ne pas perdre. Et comme il suffit de ne pas perdre. Nous avons l'expérience de 2002, où Jacques Chirac a fait un très mauvais résultat. Le président sortant, il a fait 19% des voix au premier tour, c'est-à-dire un électeur sur sept, quand on se réfère aux inscrits. 14% des inscrits, donc un électeur sur sept, ce qui était quand même dérisoire. Et comme il s'est retrouvé au second tour en face de Jean-Marie Le Pen, eh ben il a été élu triomphe allemand, alors qu'il était en fait très impopulaire au départ. C'est hallucinant, mais donc effectivement, s'il y avait un second tour entre Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, c'est vrai que Nicolas Sarkozy serait réélu. Et comme à l'UMP, visiblement, ils ne savent pas, si vous pouvez me passer ce mauvais mot, faire autre chose que changer les pansements plutôt que penser vraiment le changement. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a fort à parier que cette campagne soit relativement, et même très vraisemblablement, au-dessous de la ceinture. Et peut-être tant qu'elle sera bipolarisée de la sorte entre l'UMP et le PS, et qu'il faut souhaiter soit qu'au centre, soit que dans la droite populaire, émergent de vrais arguments forts qui arrivent à structurer le débat. Le moment est venu de donner la parole aux auditeurs par la douce voix de Catherine. Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Et le libre journal d'Henri de Lesquin, qui reçoit en seconde partie d'émission pour le rendez-vous politique de la réinformation, Laurent-Arthur Duplessis, journaliste écrivain, Christophe Beaumont, délégué à la communication du Club de l'Horloge, Emmanuel Ratier, journaliste écrivain, Nicolas Stocker, président du Rassemblement pour la France, et Christian Vosges, professeur des universités, directeur des études du RPF. Quelques messages. Un auditeur. On montre du doigt la Grèce, le Portugal, l'Espagne à cause de leur remboursement impossible. N'oublions pas que de tous les pays européens, c'est la France qui a la dette la plus importante. Notre gouvernement a toute liberté pour augmenter les impôts et les prix. C'est unique en Europe. Une auditrice. Il ne faut pas lire que le Figaro, il faut aussi lire Le Monde. Vous y liriez d'excellents entretiens avec un économiste allemand la veille du 21 juillet, disant que la Grèce devrait revenir à la drachme, et ce vendredi 22 juillet, un économiste américain disant qu'on a pris une mesure qui ne durera que quelques semaines. La Grèce et le Portugal doivent sortir de l'euro. Un auditeur, il est essentiel que Nicolas Sarkozy soit éliminé et que l'UNP soit détruite. Une auditrice, que pensent ces messieurs de ce qui s'est passé en Norvège et des commentaires entendus sur les radios à propos de cet événement. Un auditeur, le père du jeune Norvégien qui se dit templier, habite à 10 km de Rennes-le-Château, pays Qatar, dans le département de l'Aude. Un auditeur, après l'attentat d'Oslo, la médiocratie tente de nous faire croire que le suspect est d'extrême droite. Voire néo-nazi. Or, il est évident que c'est simplement un malade. Voilà. Et il est franc-maçon aussi. Hein. Et adepte de la culture. Alors, parlons peut-être quelques mots quand même, effectivement, de la Norvège. Alors, quelle est votre interprétation? L'événement, en fait, c'est assez simple à interpréter, puisque c'est un fou. Mais de l'exploitation qui est faite dans les médias. Nicolas Stocker, vous qui êtes un observateur attentif des médias. Oui, on est dans des phénomènes tout de même récurrents avec le souhait d'éliminer le plus grand nombre de personnes possibles. On est dans le méga, on a un hyper-président en France, on a des hyper-criminels dans le monde. Ça, c'est quand même un phénomène. Je pense que si on veut absolument analyser ce qui s'est passé à Oslo, à la fois l'attentat à la bombe et la tuerie sur une île où une université d'été du parti travailliste, je crois, se réunissait, des jeunes travaillistes, il faudrait peut-être incriminer, alors je ne sais pas s'il faut incriminer les Templiers, les francs-maçons, les chrétiens fondamentalistes, mais peut-être, entre autres, tous ces vendeurs de consoles de jeux. À force, on croit comme ça lorsque, je pense, moi par exemple j'ai des enfants qui aujourd'hui peuvent tout à fait être tentés par ce type de jeu vidéo. On devrait, plutôt que de voir toujours la bête immonde, se dire que tout ça c'est très loin et très très loin de chez nous, se dire qu'à habituer les enfants à exterminer un certain nombre de personnages, même si c'est virtuel, à un moment donné, ça peut induire des formes de passage à l'acte. C'est plutôt de ce côté-là que les médias devraient regarder plutôt que sur l'éternel complot de l'extrême droite. Voilà mon analyse. Mais Nicolas Stocker, je crois qu'on reconnaît quand même qu'il était isolé. Il a fait ça tout seul. Et d'autre part, le fait évident de sa folie, c'est qu'il s'en est pris non seulement au gouvernement travailliste norvégien en mettant une bombe à côté du bureau du Premier ministre, mais qu'il est allé massacrer des adolescents de 15 ans. Absolument. Il a massacré 80 adolescents de 15 ans. Les chiffres ont baissé. On en est à 68 et il y en a beaucoup qui se sont noyés. Non, mais peu importe, ce n'est pas le chiffre qui est le plus important, c'est le fait que son acte terroriste n'a pas été un acte dirigé contre des hommes politiques, mais contre des adolescents. Donc, franchement, un malade pathologique au dernier degré. Je ne crois pas du tout que c'était un malade, moi. Absolument pas. Il a publié des textes théoriques extrêmement complets qu'il a mis sur Internet, de plus de 1500 pages. Il a publié un ouvrage qui s'appelle Eurabia, il y a 2 ans, qui est en vente sur Internet. Il a su monter son affaire absolument parfaitement, puisque c'est la première fois, je ne sais pas s'il était même capable de le réussir à lui tout seul, parce qu'il a réussi de véritables exploits. Ah, vous diront que les paranoïaques sont très capables d'accomplir ce genre de choses. Je ne dis pas du tout de la chose. Je ne suis pas en train de parler de... Je pense vraiment que ce n'est pas du tout un fou. D'ailleurs, il voulait un procès public pour pouvoir se défendre. C'est évidemment un paranoïaque. Et tous les observateurs, quand même, ont noté que... je ne dis pas qu'il n'est pas paranoïaque, mais ce n'est pas ce qu'on appelle le cinglé, si vous voulez. Tous les observateurs, quand même, ont noté que la réunion qui avait lieu dans cette petite île où il y avait 500 jeunes du parti travailliste norvégien, à 70 ou à 80% étaient d'origine immigrée. C'était un ultra-sioniste qui, sur tous les forums, soutenait Israël. Il y a plusieurs forums israéliens qui ont pris sa défense en expliquant que c'était la conséquence d'une immigration forcée en Europe. Je ne pense pas du tout. Lui, par exemple, on a dit qu'il est franc-maçon. Il n'est pas seulement franc-maçon, il portait un tablier de passé vénérable maître. Ça veut dire qu'il a dirigé une loge. Le groupe templier dont il était membre, où il avait été reçu à Londres, il était au minimum 23e degré. C'est un groupe franc-maçon. Oui. Donc c'est pas. Bon, c'est la grande loge de Norvège, dont le grand maître officiel est le roi de Norvège. Hein. Donc c'est les pas... médias ne disent pas qu'il faut interdire la franc-maçonnerie depuis qu'il y a eu cet attentat. Je ne peux pas dire ça. Je doute que ça soit un fou. D'ailleurs, il a expliqué comment il faisait. C'est pas parce qu'il est franc-maçon qu'il n'est pas fou, là. Vous avez quand même des arguments. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je dis qu'il a su monter son affaire, exactement comme Theodor Kaczynski, qui était un remarquable mathématicien, l'a monté aux États-Unis, comme la personne qui a commis l'attentat d'Oklahoma City l'a réalisé. Et je peux vous dire, il ne sera pas condamné. On ne dira pas qu'il est fou, il sera jugé. Mais on ne dira pas qu'il est fou. Emmanuel Ratier... Vous savez, c'est trop facile de dire qu'il est fou. Moi, je suis convaincu qu'il est paranoïaque. Mais un paranoïaque ne perd pas ses moyens. Il est capable parfaitement... Les paranoïaques sont plus intelligents que la moyenne, paraît-il. Et ils sont capables de perpétrer des attentats, des crimes épouvantables. Leur motivation est dans leur folie. Mais les moyens qu'ils mettent au service de leur folie peuvent être extrêmement perfectionnés. Il y a encore beaucoup d'éléments très obscurs dans cette affaire, notamment l'attentat qu'il a commis à Oslo. Il paraît absolument impossible qu'il ait pu le faire tout seul, puisque les engrais qu'il a utilisés, par exemple, il en avait acheté 6 tonnes. C'est un explosif, c'est du nitrate, ce sont des engrais qu'il a utilisés. Très classique. Non, ça ne rentre pas du tout dans une voiture pour le volume. Il fallait au minimum une grosse camionnette. Or, il a utilisé une voiture. Et alors ? Non. Il y a toute une série. C'est pas bien d'avoir une camionnette. Non, il y a toute une série. Ça m'est arrivé de louer une camionnette. Non, mais attendez. C'est pas pour y mettre des explosifs. Il n'a pas fait sauter une camionnette. On dit qu'il a fait sauter une voiture. Sa page sur Facebook a été changée, par exemple. Sa page sur Facebook qui a été enregistrée au début. Qu'on a je actuellement... Je sens que vous êtes tenté par la théorie du complot. Pas du tout. Vous allez sur Internet, vous le voyez. Sa page sur Facebook, elle a été changée. Et on a rajouté chrétien. Et conservateur. Ça a été rajouté sur sa page Facebook. Pas par lui. Voilà, c'est tout. Bon, et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que, bon, c'est toujours là, c'est les chrétiens qui sont toujours vendus à la meilleure sauce. À ce moment-là, on ne parle que des chrétiens, vous comprenez ? Il est protestant. J'ai pas vu une seule fois dans la presse qu'on disait. Les protestants sont des chrétiens. Non, d'accord, mais j'ai pas vu une seule fois qu'on disait qu'il était protestant. D'accord, ce sont des hérétiques, mais quand même. On a aussitôt utilisé le mot chrétien. Il y a une sémantique qui est très importante. Donc la presse est orientée. Ah, c'est oui. Une découverte importante que nous faisons ce soir. sauf Radio Courtoisie, bien sûr. C'est d'abord de voir les fantasmes de chacune des presses. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est qu'il était présenté, ou il est présenté en Norvège, comme présumé innocent, et lui plaidant non coupable. Il est présenté chez nous comme un extrémiste de droite. C'est-à-dire que le même personnage, selon le type de presse, a changé de... Ah bah c'est vrai qu'il est présumé innocent, mais je vous signale que Ben Laden a été présumé innocent quand il a été assassiné par l'armée américaine. C'est l'identité, c'est-à-dire que la presse norvégienne communique principalement sur le fait qu'il est présumé, assez peu sur son identité pseudo-chrétienne, etc. Il n'y a que dans la presse française, enfin surtout dans la presse française et un peu anglo-saxonne, où cette dimension est très, totalement mise en avant. La deuxième point de cette histoire, c'est très peu de choses, mais ce qui est surprenant, en fait, ce qui attire mon attention, c'est que les attentats, finalement, sont perpétrés avec des moyens, pas de bricole, mais quasiment. On voit les attentats américains, les avions, le contrôle des avions a été pris avec des couteaux. Il fallait quand même le faire, ça, franchement. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... C'est une imagination géniale. Le point sur lequel je voudrais attirer est le suivant, c'est que bien souvent, les attentats sont extrêmement liés à la motivation de l'individu. Et assez peu aux moyens qu'il a en main. Et finalement, avec des moyens parfois dérisoires, il peut commettre des massacres. Ah bah c'est-à-dire qu'un homme qui est assez fanatique ou fou pour sacrifier sa vie peut commettre assez facilement un attentat. Mais il n'a pas sacrifié sa vie. Je voudrais... C'est le paradoxe sur lequel je voudrais attirer l'attention des éditeurs. C'est que d'un côté, on a des moyens qui sont finalement rudimentaires pour les propagateurs de la terreur. Et à côté de ça, on a le développement d'un État contraignant et policier pour, on va dire, tous les citoyens normaux, au regard d'une protection contre ces attentats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous essayez de prendre un avion, vous avez au moins une demi-heure à une heure d'attente, il faut vous déshabiller, vous rhabiller. On va bientôt dire que tout ce que nous avons publié sur Internet sera contrôlé parce qu'il y a eu ce risque, qu'on aurait pu, par principe de précaution, prévenir cet attentat si on pouvait contrôler mieux ce qui se passe sur Internet. Mais ce que je voudrais dire, on va multiplier les contrôles radar sur les routes pour pas qu'il y ait trop d'excès. Bref, on a une multitude de moyens de conditionnement sociaux des individus, on va dire normaux, classiques, au regard de la menace que représenterait, ou du danger dont est censé nous protéger l'État que représentent ces individus. Mais on voit que finalement, les crimes et les attentats qu'ils commettent sont faits avec des moyens dérisoires, rudimentaires, et sont liés à leur psychologie, à leur personnalité propre, et pourraient être bien, à mon avis, protégés avec d'autres moyens que ceux qui consistent à enfermer notre société dans des carcans de contrôle et de surcontrôle et de recontrôle qui finalement ne nous protègent de rien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Sur... Je voulais poser une question à Emmanuel. Arthur Duplessis. J'ai cru entendre que vous disiez qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens d'origine immigrée dans la Réunion qui a été l'objet de son assaut. Oui, c'est même, il y a un article dans le Figaro qui en parle aujourd'hui, je crois. Oui, ça apparaît très visiblement. D'ailleurs, les gens fait de l'assassinat sélectif. Je pense. Je pense que c'est extrêmement lié. C'est pas du tout gratuit. Alors c'est vraiment une haine raciste au sens le pire du terme, c'est-à-dire qu'il a tué des gens en fonction de leur origine. Bon, bah écoutez, le temps est venu, chère Catherine, de lire la chronique du courrier des auditeurs préparée par Amandine. Et Catherine va commencer par un auditeur de Paris. Oui, qui s'adresse à vous, Henri, et qui envoie 150 euros. Monsieur le Président, je me plaise à vous adresser ma cotisation pour le troisième trimestre 2011. La radio que vous dirigez est un exemplaire quasi unique de vérité et de beauté. Je tiens à le souligner et à encourager les cotisants à devenir plus nombreux. Croyez, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments fidèles. Eh bien, merci beaucoup, chers auditeurs. J'espère que de nombreux auditeurs vont rejoindre les rangs des cotisants parce que ce n'est qu'une toute petite minorité d'auditeurs qui ont la bonne volonté de contribuer au financement de la radio, et vous savez que nous dépendons entièrement des cotisations et des dons des auditeurs, et que nous sommes la seule radio au monde à dépendre entièrement des dons et cotisations des auditeurs. Une auditrice d'Anières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, qui envoie sa cotisation via PayPal de 100 euros. « J'ai entendu votre appel et je suis heureuse de pouvoir vous répondre afin que la diffusion de Radio Courtoisie puisse se poursuivre, car vous êtes vraiment courageux. Je vous remercie beaucoup. » Un couple d'auditeurs de Pomponne, en Seine-et-Marne, qui envoie 120 euros pour que les personnes qui ne partent pas en vacances puissent continuer à vous écouter. Un auditeur de Lagardelle-sur-Lèze, dans la Haute-Garonne, qui envoie sa cotisation via PayPal de 100 euros. Voici une cotisation supplétive pour éviter à notre radio une extinction de voix. Ouais, ça, je suppose que c'est une gentille remarque du fait qu'il y a quelques semaines, à la suite d'avatars de climatisation, j'avais à l'antenne une extinction de voix. Une auditrice de Paris qui envoie 150 euros, avec mes voeux pour passer un bon été. Un auditeur de Chevilly-Larue, dans le Val-de-Marne, qui envoie 100 euros. Étant déjà un de vos amis, je vous prie de trouver ce modeste chèque destiné à vous aider à pouvoir vous écouter encore un peu. Un auditeur de Bourg-de-Péage, dans la Drôme, qui envoie 50 euros. Voici ma cotisation pour contribuer à la diversité médiatique. Une auditrice de Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne qui envoie 50 euros. Voici ce chèque en supplément de ma cotisation annuelle. J'ai assisté pour la première fois depuis quelques années à la fête de la courtoisie du 19 juin dernier, très réussie et très bien organisée. Bien sûr, il a fait un peu chaud. Mais quelle chance que nous n'ayons pas eu ce jour-là les 35 degrés qu'il a fait à Paris 8 jours plus tard. Merci à Radio Courtoisie pour ces excellentes émissions. Amitiés à tous. Une auditrice de Boulogne, dans les Hauts-de-Seine, qui envoie 100 euros. Chers amis, de gros remerciements à toute l'équipe de Radio Courtoisie et principalement à son président, qui mène son monde de façon exceptionnelle. Mon mari, que j'ai perdu il y a 3 ans... Un peu de mal à mener Emmanuel Ratti, remarquez. Mais... Mon mari, que j'ai perdu il y a 3 ans, n'écoutait que cette radio depuis 24 ans. Bien que les temps soient un peu durs pour moi maintenant, voici ma cotisation et une autorisation de prélèvement automatique mensuel. Je trouve que les jeunes, du moins les miens, n'écoutent pas beaucoup Radio Courtoisie. Bon courage à tous, en toute amitié. Un auditeur de Bessancourt, dans le Val d'Oise, qui envoie 40 euros. Merci de vos bons récits. Vous nous aidez à survivre. Une auditrice de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, qui envoie 40 euros. Voici ma cotisation pour 2011, en espérant, étant souvent en province et non informatisée, pouvoir vous entendre un jour tout au long de l'année. Merci pour votre courage et pour votre dévouement. Vous êtes sur le front intellectuel, notre vraie troupe d'élite. Eh bien, chère madame, vous pouvez écouter, sans être informatisée, vous pouvez écouter Radio Courtoisie dans toute la France par les bouquets satellites CanalSat ou TNTSat. Il faut avoir une antenne parabolique sur le toit, donc il y a un petit investissement à faire. Mais ensuite, on s'abonne à CanalSat ou même on prend un décodeur TNTSat qui, lui, n'est pas gratuit, mais il n'y a pas d'abonnement, et on peut écouter Radio Courtoisie avec une excellente qualité d'écoute. Quelques nouvelles de Radio Courtoisie. Si vous écoutez dans la journée Radio Courtoisie, comme je l'espère, vous avez remarqué peut-être un petit changement, puisque dans la pause musicale d'une demi-heure, à 13h30, nous passons maintenant, au lieu de passer de la musique classique, nous passons de la musique légère, la chanson française. Alors, chanson française 4 jours par semaine. Il y a 2 jours où nous passons de la musique de film, qui était autrefois le lundi soir. Et puis, à 13h30 le dimanche, pendant la pause musicale d'une demi-heure, nous passons des chants d'église. Chants d'église et cantiques. Et donc, nous avons une respiration musicale d'une demi-heure qui est de la musique plus légère que celle que nous passons le reste du temps, puisque par idéal esthétique, évidemment, et par idéal identitaire, nous sommes le reste du temps fidèles à la musique classique, la grande musique occidentale classique. Alors, je vous remercie tous ceux qui nous ont écrit du fond du cœur de vos témoignages de soutien, et d'autant plus que le nombre des cotisations diminue sensiblement en été. Je compte sur vous. Ne partez pas en vacances sans avoir envoyé votre don ou votre cotisation à Radio Courtoisie qui, elle, ne prend jamais de vacances. À pied d'œuvre tout l'été avec le même nombre d'émissions originales, plus souvent préenregistrées l'été que le reste de l'année, mais originales quand même. Radio Courtoisie n'abandonne pas ses auditeurs. Ne l'abandonnez pas. Vous le savez, Radio Courtoisie ne vit que grâce à vos dons, grâce au travail acharné de toute l'équipe. Je le répète, vos cotisations nous sont vitales pour nous développer. Alors vous qui le pouvez, vous qui en avez les moyens, aidez notre radio bien-aimée à apporter du réconfort à ceux de notre famille qui ne partent pas en vacances, qui sont nombreux, ceux qui sont malades et qui sont encore plus isolés en cette période de vacances. Du fond du cœur, je vous en remercie. Alors Catherine, rappelez-nous comment on fait pour entrer dans la grande famille des adhérents ou des donateurs de Radio Courtoisie. Eh bien, par chèque, adressé à notre secrétariat 61 boulevard Murat, 75016 Paris, ou par internet via PayPal avec une carte bancaire, www.radiocourtoisie.fr, ou par prélèvement automatique sur simple demande écrite ou même téléphonée. Dans tous les cas, un reçu correspondant à vos versements vous sera adressé. Alors pourquoi 40 euros de cotisation ? Bien, nous maintenons effectivement la cotisation minimum à 40 euros. Vous le savez, c'est pour permettre à tous d'adhérer à notre association. Mais le montant minimum souhaitable est de 120 euros, qui correspond au montant de la redevance audiovisuelle. Qui correspond parce que je crois que depuis le 1er janvier, elle est montée à 123 euros, il me semble. Alors, pour ceux qui payent l'impôt sur le revenu, qui sont loin d'être la totalité des auditeurs de Radio Courtoisie et surtout des auditeurs qui cotisent, quel est le montant de la déduction fiscale ? Alors, si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de vos impôts 66% du montant de votre don à Radio Courtoisie. Ainsi, si vous versez 120 euros à Radio Courtoisie, grâce à la déduction fiscale, il ne vous en coûtera que 40 euros. Alors, je signale également, dans cet ordre d'idées, que nous avons créé en 2010 un fonds de dotation de Radio Courtoisie qui peut recevoir des donations ou des legs, L-E-G-S, en exonération de droits de succession. Et d'ailleurs, nous avons effectivement reçu deux legs, l'un de 20 000 euros, l'autre de 1 500 euros, et qui sont donc arrivés dans les caisses du fonds de dotation de Radio Courtoisie sans paiement d'impôt à l'État. Sachant que ce fonds de dotation, qui est une personne morale distincte, entièrement distincte de Radio Courtoisie, a pour vocation d'aider Radio Courtoisie, mais ne peut l'aider qu'à proportion des revenus tirés du capital. Donc quand le fonds de dotation reçoit un lait ou une donation, il le capitalise, et ce sont seulement les revenus tirés de la capitalisation qui vont ensuite, qui possiblement, alimenter la trésorerie courante de Radio Courtoisie. Donc les dons que vous adressez à Radio Courtoisie servent au financement de ses dépenses d'exploitation, et donc c'est complètement indépendant, c'est indépendant du fonds de dotation. On peut s'abonner à l'écoute de Radio Courtoisie, alors sur simple demande adressée au secrétariat, donc 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou par téléphone au 01 46 51 00 85. On peut s'abonner, c'est très peu cher, hein, 10 euros pour 12 numéros, soit 3 ans d'abonnement. Sachant que maintenant, à l'écoute de Radio Courtoisie, il y aura 12 pages et sera donc trimestriel. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien, ils peuvent envoyer leurs coordonnées et nous nous ferons un plaisir de leur adresser gratuitement le dernier numéro paru. Voilà ce qu'on peut dire sur À l'écoute de Radio Courtoisie et je vous recommande vivement de vous abonner à l'écoute de Radio Courtoisie. Alors, il nous reste quelques minutes, donc j'aimerais bien que nous en profitions pour évoquer encore un point d'actualité. Emmanuel Ratier, vous qui, alors je rappelle que vous publiez Fais des documents. Fais des documents, c'est une lettre d'information confidentielle. Comment fait-on pour s'abonner à Fais des documents? Alors, une fois qu'on a cotisé à Radio Courtoisie, bien sûr, par priorité. Et ensuite, comment fait-on pour s'abonner? Alors, le plus simple, c'est d'aller sur Internet, de taper Fais des documents dans un moteur de recherche. Donc, vous aurez mon adresse. Vous avez des numéros qui sont en ligne, que vous pouvez télécharger et imprimer. Vous avez un système de paiement par PayPal. Et donc, voilà. Bon, sinon, écoutez, bon, comment ça. Écoutez, si on va sur Internet. Bon, très bien, mais comment fait-on si on ne va pas sur Internet? Ben, sinon, il faut m'écrire. Donc, c'est boîte postale 254. 75 424 Paris CEDEX 09. Alors, on peut s'abonner en écrivant à Fais des documents, boîte postale 254-09, 75 424 Paris CEDEX 09, boîte postale 254-09, 75 424 Paris CEDEX 09, France. Et on écrit donc à Emmanuel Ratier à cette adresse, Fais des documents, et on envoie, quel est le prix de l'abonnement? C'est 78 euros pour 22 numéros. 78 euros pour 22 numéros. C'est sorti les 15 jours. On a une mine d'informations. Est-ce qu'on peut se procurer les exemplaires passés? Oui, oui, tous les numéros. Oui. Je fais une publicité tous les ans avec la liste intégrale des thèmes qui ont été traités depuis 17 ans. Oui. Voilà. Dites-moi, Nicolas Stocker, vous êtes président du RPF, c'est le Rassemblement pour la France, et vous êtes conseillé par un éminent professeur des universités qui est le professeur Vosges, ici présent, Christian Vosges, qui nous a parlé du nucléaire. Expliquez-nous ce que veut le RPF. Va-t-il présenter des candidats aux élections? Quels sont ses rapports avec M. Pasqua, dont il a été, avec lequel il a été lié un certain temps? Absolument. Expliquez-nous, que nous y comprenions quelque peu. Alors, le RPF, dans sa version originale, naît en 1992, mais évidemment sur Maastricht. Hein, c'était le gaullisme non à Maastricht. Et le non à Maastricht. En 99, bien évidemment, nous acceptons bien volontiers, par la signature d'un accord, à ce que Charles Pasqua dénomme son Rassemblement pour la France et l'indépendance de l'Europe, RPF. Ça va sans dire. Pour les élections européennes de 1999. Et pour la refondation du RPF juste après les élections dans la foulée avec Philippe de Villiers. Bon, on sait ce qu'il en est advenu. Alors parce que le RPF, c'était le sigle du Rassemblement pour le peuple français, créé par le général de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale. Absolument. Suite à cela, en 2007, nous avons décidé de réagir par rapport à ce que nous avons considéré à l'époque avec l'élection de Nicolas Sarkozy comme une forfaiture, c'est-à-dire son refus de prendre en compte le vote populaire du référendum. Donc, suite à cela, nous avons lancé des élections. Nous allons à toutes les élections. Nous étions présents aux élections cantonales. Nous serons présents aux élections sénatoriales. Et bien sûr, et vous avez réagi contre le fait que Nicolas Sarkozy fasse adopter par le Parlement le traité de Lisbonne, qui était la copie à peine modifiée du projet de Constitution européenne qui avait été repoussé par le peuple français. C'est ce que vous avez appelé fort justement une forfaiture. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je remercie mes invités. De gauche à droite, Christophe Beaumont, professeur Christian Vosges,